de Silo Hind à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezhoneg. On se retrouve pour une nouvelle émission de Hind à Brezhoneg en compagnie d'Henri Lenaou. C'est le moment de votre petite leçon de breton. Henri, c'est la leçon aujourd'hui Pemwarnugen, c'est ça? Voilà, 525. Et comme d'habitude, c'est en trois parties cette émission. Gerio Arvué pour commencer les mots de la vie. Brezhoneg Tamatam ensuite où on parlera de cidre à nouveau. Et Petra Zonevervro, la gazette pour terminer, une gazette tout en langue bretonne. Mais pour Gerio Arvué, Henri, on choisit un mot et on l'explique. C'est lequel aujourd'hui? Alors c'est Euroc. Euroc, hein, A-R-A-O-K, donc parfois écrit avec un G aussi, qui est un mot invariable, qui est utilisé comme adverbe, parfois comme adjectif, et qui veut dire avant, devant, à la fois dans le temps et dans l'espace. Alors d'abord, on va parler un peu de Euroc dans le temps. Par exemple, on va dire Euroc bendesul vogretze, avant dimanche, ce sera fait. Zevel Eurogendi, se lever avant le jour, hein. Une chanson, Vintenowassal, on trouve ça. Mi-moi, bédeur, les vents, magawa, cria, cale, diouter, rogende, la kehang de zével. Et vie, monte vidour de Vintenowassal. Se lever, donc, avant le jour, hein. On trouve ça dans beaucoup de chansons, hein. Voilà, deux ou trois heures avant le jour. Monde gousque drogue nonce, aller se coucher avant la nuit. Voilà. Beaucoup d'expressions, hein, où on trouve ça. Par exemple, Gredwa y vote au rogi dreit, ses chaussures étaient prêtes avant son pied, quoi. Hein, où on dit aussi Gredwa y vrog au rogi rer. En façon un peu plus triviale, quoi. C'est pas forcément un compliment. C'est un peu envieux, quoi. Hein. C'était peut-être un peu de jalousie, quand même, dans ce cas-là, quoi. Hein. C'est comme quand on est né avec une petite cuillère en argent dans la bouche. Oui, c'est l'expression, c'est tout à fait ça, quoi. Hein. Voilà. Donc des expressions. Troran wen roger, troran er plus roger wen. Hein, donc couper la paille avant le foin, hein, c'est faire les choses à l'envers. Il hein. y a aussi l'acad Billy Grogentrib, hein, mettre la galtière avant le trépied, quoi. Donc c'est faire les choses à l'envers. Hein. Voilà. Dibir Hid Rogezuben. Voilà, il y a beaucoup d'expressions qui ont ce sens-là, quoi. Voilà, alors, Rogmonde de Gousque, je l'ai déjà dit, hein. Rockstock en grande labour, hein. Avant de démarrer, une proposition avant de démarrer. Avant de s'atteler au travail. Avant de s'atteler, stock en grande labour, hein. Voilà. Voilà. Rogergouan, par exemple, avant, oui, si on définit quelque chose avant une saison, parce que pour définir pour y avant, il faut avoir un repère, quoi, hein. Par exemple, Euroger Gouan Vezer d'Or Betraves, hein. Euroger Nan Vegedim Adis, hein. Euroger Pel aussi. Pour dire bientôt, on dit avant longtemps, quoi. Voilà. Euroger Pel Vogred Ndrasé, hein. Une expression plaisante, par exemple, Tien Norvégel, ma verque Gouel Eurog, hein. À la prochaine, si on ne se voit pas avant. C'est évidemment une plaisanterie, quoi. Un aroc, ça veut dire en avance, hein, arriver quelque part en avance, par exemple. Donc ça, c'est pour le temps. Et dans l'espace, on emploie rogue aussi. Hein, par exemple, euro de rogue, la roue avant, pour une voiture. Ou pour un vélo, même. Hein, voilà. Penrog, ça se dit beaucoup aussi, hein. Penrog, c'est en tête. Par exemple, s'il y a un défilé, un autre Homer ou bah Penrog, hein, il menait le défilé, quoi. Voilà, Penrog à Pendring, quoi. Par exemple, un endroit, Rogs en Igouden, Tramnit, bah, Croastasset. Avant Saint-Nicodème, il y aura Croastasset, ça dépend d'où on vient. Mais quand on vient de Pemrite, c'est comme ça, quoi. Monderog, donc, c'est avancé dans l'espace, hein. Mondedrin à Monderog, hein. Il y a une polka qui est chantée par Marcel Guyon en particulier. Mondedrin à Monderog, un nom drameun batierzo, le gain en moi, tape d'hermote, hein. Mondedrin à Monderog, c'est la polka pline, hein. Ça marche pour le tango aussi, mais pas sur le même rythme. Un surnom amusant, c'était My Big Rock. My Big Rock, il y a une chanson là-dessus, hein, qui est une commère qui a la bouche en avant, quoi. Toujours prête à parler et à dire n'importe quoi. Voilà. Mondwarog en un in. Mondwarog en un in, c'est avancer avec la route. Alors, ça veut dire quoi, ça? Avancer, progresser sur la route, quoi. Ah oui, d'accord. Mais en breton et en bretonisme, on dit en français avancer avec la route. Voilà. Alors, la prochaine fois, on verra quelques autres usages de rogue, en particulier la forme warog. Eh bien, on termine là-dessus. Guerriou Arvué, et on passe à Brézonnec Tant Matin. Seconde partie de Enter Brézonnec, Brézonnec Tant Matin, avec toujours notre Chandic là, qui est parti faire un reportage sur le cidre avec Iwan. Voilà. Iwan Nango, non, comment c'est celui-là? Iwan Dantek. Dantek. Le Skerblay. Oui, qui est le producteur de cidre de Zantoluk. Hein. Voilà. Alors, la dernière fois, je crois qu'elle venait juste de rentrer dans le pressoir et voir un peu comment ça se passait. Et là, ils sont en train de voir un peu la fabrication, quoi. Ah, Petra et Gret Ganner, Juk, Iwan. La côte veillant, mon balouer, you dear, de Vervin, dondera un tog walaigne, aga hor ya de traou. Goudézé, vela que der gis clair, balouer, youel, de beur Vervin. A pouez et ve un gis, vech un amzer? Ya evel juste, a peve eru ar pouez wardro mil pemzek, vela que bavouta yo, a dou viz waler ve pres de verzan. Da biou ve gwerzet ar gis? Oh, beur psor mod ve gwerzet, dondera tut de glas grand. Hindel veguerz bastalio krampus, met de tadoye vos chopinat chanik? Don't know anyone, don't. On va reprendre, Henri, ce petit dialogue pour qui ça a été peut-être un peu trop vite. Ouais. Entre Chandic et Iwan. Chandic demande à Petra Vegret de Gandar, Iwan. Oui, alors Petra Végrette, Grand Orchu, qu'est-ce qu'on fait du jus, hein? Voilà, le jus de pomme. Là, qu'est-ce qu'on en man, bah, l'aérou dire de virvin. Ya. Là, que ve en man, bah, l'aérou dire de virvin. Alors, on le met ici, hein, donc là, que ve, c'est-à-dire forme d'habitude, hein, on le met donc ici, dans des bacs, dans des cuves, hein, dans des cuves d'acier, hein, dire, c'est d'acier. Mm. De virvin pour fermenter. Alors, le mot virvin, c'est bouillir. Ouais. Mais en breton, quand, pour la fermentation du cidre, on dit virvin parce que ça fait des bulles, ouais. Hein, de virvin. Hein. Et on dit birviragiste. Hein. Ouais. Donnerantog waleng. Ouais. Alors, le donnerantog waleng, le chapeau vient à la surface. Agahor ayadantrao. Voilà. Et la lie, hein, c'est corps, hein, c'est le mot corps. Hein. Et la lie, donc, tombe au fond. Hein. Comme la merde, quoi. Ah, oui, exactement. Ouais, ouais. Gorgis, c'est la lie, quoi. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Goudézé, ve kase d'argis, clair, bonne loueral, da ben virvi. Bien. A goudézé, ve kase d'argis, clair. Donc, après ça, on envoie le cidre clair, clarifié, hein, puisque le chapeau est monté puis que la lie est tombée au fond. Banolwerel, hein, c'est ce qu'on appelle faire du soutirage. Hein, donc on envoie dans une autre cuve. Da beurvirvin. Alors beur, c'est finir de. Ouais. Hein, de beurvirvin, c'est pour finir de fermenter, pour terminer la fermentation. Ah, pouvez être véargiste, véchenamzer, demande Jean-Nic. Voilà, et on pèse le cidre de temps en temps. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on pèse avec, tu sais, c'est le pèse-cidre, hein, qui s'enfonce plus ou moins, hein, en fonction de la densité. Pour l'alcool et le sucre, hein, je crois, voilà. Que c'est ça, la différence entre l'alcool et le sucre. Voilà. Ya avait juste dit one à pavé eru arpoez, wardro mille pemzek, et vé laquette barvouté yo. Voilà. Et quand le poids, c'est-à-dire la densité, est arrivée autour de 1015, vé laquette barvouté yo, on le met en bouteille. À Dauvis Warler, vé prest d'arverzan. Voilà. À Dauvis Warler, deux mois après, il est prêt à vendre, vé prest de verzan. D'abiou ve guerze d'archiste, demande Jean-Nic. Alors, à qui est vendu, alors, et encore forme d'habitude, hein, d'abiou ve guerze d'archiste, à qui on vend le cidre? Oh, bepsor maud ve guerze. Voilà, de plusieurs façons, bepsor maud. Hein, dondera tut de glasnan, en main. Hein, ouais. Donc, il y a des gens qui viennent le chercher ici. Endel ve guerze de stalio crampus. Voilà, autrement, on vend à des crêperies, stalio crampus, des crêperies. Mais de Daevan au Chopinat, Jean-Nic, proposez-moi. Voilà, mais de Daevan au Chopinat, hein, venez boire une Chopine, hein, Jean-Nic. Don't the hand, he want, don't. Voilà, c'est un métier très riche. Il hein, dit, on y va, quoi. Voilà, on y va. Elle est toujours d'accord. Voilà. À chaque fois, les gens de la radio, on remarque qu'ils sont quand même. Ils vont volontiers faire des expériences, goûter, tout ça. C'est pas la partie la plus difficile du métier, d'ailleurs. Non, c'est sûr. On passe maintenant à la troisième partie, c'est Petra Zonevervro dans quelques instants. Thank you. Calze au Nevervro. Calze drogues au Nevervro et vel juste boervej diouzan. Krogom de diantan vel kiz akustum gandelar bourdouar agar vu et war armez. Tremne de bremen e mis du a tost a ram de ze gouan kalet. Déjà ve kom ze de ze gwen ne delek a de ze ne tiantan bla et vel juste pe dur ram de change bla. Wardach en elar bourdouar, bremen, kom ze ve calze ar mar eman de ze louzeyer chimik, implijet gandelar bourdouar pe guir, Oissance d'un trou de change, bah, mis tienne vers Deauville Seitec. Mais j'y oise du roi ne vaut que calze changement, war en dachenze. Ka e lobby et de zocri, ag, evel juste de roulant, que t've gred les élonnés, et de disken, wers de ze louseyer chimique. Pe oa be gred un over en vras, oa haunet, well, un andro, hein, grenelle de l'environnement, une galak, oa bet d'ard, vi j'ai bet diskenet deus un nanter implich louzeyer chimik. J'y oaz nekedet an met un traou ar an tuze, a mameus kreskira un implich louzeyer chimik, be pla on tam. Di venerion un andro, un eus gwelet, oa c'het stourm oaz, hag un eus goulet ve fet di oaz muor da skwer, chom het tretan tost un tir, tost ur skolajou, tost ur stereou. Mais de virion ni ne grédant que de heyo un trou, gualvoun isoar en dach en ze, pu dur vel meus laretar et lobi et zo cri. Chou mon montant, moi, roaz war dach en la bourdoua. Ba mis here, oa bet kinig et gan, ba camberigos, hein, ur seda, ma besoin, gan de Joël Labé, so sénature glas, morbihan, un dandvelezen, Et vi ne fait béro à d'or vugal et bascolio, d'un dut ban hospital yo à de bâtir un rigos, d'oïgun dragon de bouet bio. Mais de Joël Labé n'est que bé de chilo à de ba campe rigos, à que mames n'est que bé vote, ne ce que bé vote bé d'oir un drasé, à gouscoudé ou à bé vote d'un drasé par de non, grand campe député et, mais de lobby et de vel juste, ouar pesamo de ober, et vi harz en trou devant noir rog, war dachen en endro. Vi chomoise war dachen el arbre doua. Gwegel bakal ze fermiou dre ar vro, vi jè el gwelet londet de ze ueno ar vro, da skwer vi jè zau d'armor ikanet, rins vi jè ru, vi jè zau d'mel en deus bro leon, pez velar de galak fromont du leon, hag zau de bris du, ver haunet galak, Breton Pinoir. Med digas et zo bet Wenuel de Zlerhel et vel Normantet de Diantan a di ouzator de Zbro Holland même eus vigelar de Nolandez hag a waler oa bet gre de Frison de Zrinz a bremen vel ar d'Holstein de se hag oa zout bris du ive c'est une chom ke kal zout de Zwenu Evro même stra chom nebetud o sevel Rouenou Ervro, au Sevel Rouenou Ervro, a une vaisseau au Bédène Bande de Lever, ou à Zaou Brise du, zo scrive de Grand Pierrick Bourgo, à Père Kéméré, à zo Hand, Breton Pinoir, la vache des paysans heureux. Quoi le passé, hein? Et une bande de Lever, zo Gand, une bande d'Urio, Ouest France. Chôme en moi, zon temps, moi, d'Achène l'arbre d'Ouar. Au Blarant, Orzo, ou habitaine de Hotaï ou de Mara de l'Est, à Gendrazé, Zobé Valput, puis dur, prise l'Est, et vel juste, ouais, d'oir, ouar dro ou calze, hein. À Vider Betrave Suc, oua, Beta Brême en Cotaïo, et vel vide l'Est, mais d'or Bladi ou Zané, à Benebla, ne vaut que de Cotaïo Tin, à Pepsta, le vaut libre, d'or Pesneus Juan, Vicreski, Obersuc, ma personne de la Bro Europa. A que ma treize ne vaut, Rio Conde, ma mesmout, vel, Videlès. A ma treize ne vaut, Gwelet, Betrave Suc, Braise, ou Vespenneket. Déjà, zo big, classe que d'Ober, hein. Gwelet vaut. Vi mon non temps, moi, Wardash, un, politikeres, di barbe des bits, gan, un tuguen, un nini, vaut, casse d'or votade, vie de monde wardrone république ag bénéfine m'en aide maut grande forge fillon de la radée connor jacobine velkis accustume Ma vie j'ai bien de bille roise père interne de la rue, un joueur ni j'ai bien gré d'or gandau et noirzi. Ma trésor de vocal, on n'en m'dait que d'or gandau et noir, ouar redadex. Bon, il chambé longtemps, ouar, ouar, un troc de zevro. Au lever zobide, ouar politiqueres. Au lever zobide, scrive des vaisseaux gandau, gazetenar, Benjamin Kels, Ag Nicolas Legendre, Warbu et Jean-Yves Le Drian, zo politiquant, politiquour bru de nom Breiz, ag zo Hermar aimant, ministre Brezel, ag président de Randvo Breiz. Ag display gandra levers up et sa mode et bezave de Jean-Yves Le Drian, gandidut, hein, Jean Aluizette, ag oatut de recal ze drau vidun du del tut Christen Weinban, ag ba kevridigez ou wagn ag un labour e kalv videre boer videre en pêche la bob sortrou a ze neus livezon de nan ag bon pesamo de waler ne kontant pesamo de deut vezan depute a bon a pese he breman peguir on komz de ze levrio lever zo beskrive ne vezo gan Auguste Méoté zo han avenma ba bro rostren à Christian Lamour, war redadegou barostren. Gwegel, oa yezek, bouez evitu de Kreis Breis, hag amamez ur gano en oa begren gamper en ter, ton a yezek. Peve on eurut braz evro, ven la ket haloupat, a ze vo gwelet pi wintrer, a gant pe hin i eur ye maout. Ka gervige, Redadegou, vi de neurjou, vi j'ai gret de redadegou, quand tiezeg de zevro, tiezeg la, bon. A waler, oa be de krog, d'or tiezeg, de grad tiezeg skor, vi de galoup, an vel barostren, quoi. Ur grand nou, en ze, la randar, a tonne yezeg zo be skrivet, bremen zo kan a rentre kan de la so, just, ba mar, e oa gret de nipodrom, ba quad trenk. Hag, bon, setu, bon, pet ve gret, course ou barostren, hein. Ben Ken Roberts avec ce scrive de au lever révèle juste évite content un histoire bon c'est une tombe de spéçonné et bavro à glar amdar tienne en végel tu dois là ou à l'air cabé tienne végel Morgan Kenoiri